Dans ce sixième épisode, je vais vous expliquer comment vérifier quels services, applications, jeux ont accès à votre compte Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux et comment supprimer ces accès. Podcast du blog moptimize.com, je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Moptimize. Je vais commencer par dire un grand merci à tous ceux qui participent en partageant les épisodes et en laissant des commentaires sur le blog ou sur Twitter. Et en restant toujours dans la thématique de Twitter, récemment j'ai échangé avec Philibert 12 et Not Kirby sur le sujet du jour. Il s'agissait, l'un des deux me demandait ce que je pensais d'un service. Et je lui ai répondu, je lui ai dit mais je connais pas ce service, donc je peux pas donner mon avis. Et il me dit si, mais ce service m'a ajouté à ta liste, à une de tes listes Twitter. Donc je suis allé vérifier, c'était bien le cas. Et donc là je me suis dit mais... D'où est-ce que ça sort? D'où est-ce que ce service a accès à mon compte Twitter, ne serait-ce que pour rajouter des personnes dans des listes? Et j'ai tendance à tester beaucoup de services, des services qui des fois sont en alpha ou en bêta, donc qui demandent de laisser son adresse email ou de se connecter avec Twitter, et puis une fois que la bêta sera finie ou que la liste d'attente sera disponible, le service donne l'accès à ce qu'il propose, mais en général c'est suivi d'un email, et donc comme ça je sais que le service est actif, je peux le tester, je peux décider si j'en ai besoin ou pas besoin. Là, sur celui-là, je m'en souviens pas. Donc, la problématique, je me suis dit, il va peut-être falloir aller faire un peu de ménage dans Twitter, dans Facebook, pour aller voir à quel service j'ai autorisé l'accès à mes informations Twitter, mes informations Facebook et autres. Donc voici ce que je vous propose. Pour Twitter, j'ai pas réussi à le faire directement sur mon smartphone dans l'application. Donc pour Twitter, il faut vraiment aller sur son navigateur, sur un ordinateur, aller dans les paramètres, et en bas à gauche, c'est quasiment le dernier, il y a un onglet application. Et là, vous avez la liste de toutes les applications qui ont l'accès à votre compte Twitter. Vous pouvez voir s'ils ont des permissions de lecture, d'écriture, d'accès éventuellement à votre adresse email. Et donc il y a un gros bouton sur la droite pour enlever l'accès. Donc n'hésitez pas à aller faire le tour des services. Et s'il y a un service que vous connaissez pas ou que vous n'utilisez plus, n'hésitez pas à révoquer l'accès. Et n'ayez pas peur si vous en enlevez trop. Simplement, la prochaine fois que vous allez utiliser ce service-là, il va vous dire attention, vous n'êtes plus connecté. Il faut réautoriser, vous réauthentifier. Et réautoriser l'accès à votre compte Twitter. Donc rien de bien de compliqué. Voilà, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage avec Twitter, c'est que ça fonctionne pas sur l'application et qu'il faille aller sur Internet. Pour Facebook, c'est la même chose. Vous pouvez aller sur Internet, sur facebook.com. Dans vos paramètres, il y a également application. C'est un des derniers éléments. Et donc là, vous allez avoir la liste. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton plus d'applications, parce qu'il vous en montre qu'une petite dizaine, mais vous en avez probablement 20 ou 30 qui sont connectés. Et ici, vous avez la possibilité de modifier les paramètres, donc de décider un petit peu plus finement ce à quoi les services ont accès dans votre compte Facebook. Moi, je vois, j'ai tendance à jouer à pas mal de jeux, et les jeux sont très très incitatifs pour vous connecter sur Facebook, pour gagner plus de j'aime, plus de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas de temps en temps à aller faire un tour. Si c'est des jeux auxquels vous ne jouez plus, vous pouvez vous déconnecter. Si c'est des jeux où, de toute façon, vous n'avez aucun de vos amis qui y joue, et donc vous partagerez jamais rien, vous n'aurez pas de vie, d'argent en plus à échanger avec vos amis, vous pouvez également supprimer l'accès, c'est la même chose. Vous pourrez le réautoriser plus tard. Ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que sur l'application, sur votre smartphone, vous pouvez aller dans paramètres du compte et dans applications, et vous pourrez le faire directement sur votre smartphone. Donc là, je vous ai expliqué l'ancienne méthode, Enfin, je dis l'ancienne méthode qui est une méthode, voilà, il faut aller service par service, se connecter, aller dans les paramètres, trouver où se cache l'application pour faire un petit peu le ménage. Il n'existe pas grand-chose pour le faire autrement, ce ménage. Visiblement, que ce soit Twitter ou Facebook, ils n'ont pas vraiment ouvert le service pour que ça soit fait par un service extérieur. Le seul service que j'ai trouvé, c'est une application et un site web qui s'appelle My Permissions. Donc vous aurez les liens dans les notes de l'émission, bien évidemment. Et My Permissions va vous permettre de, à travers eux, de vous connecter à Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Dropbox, Yahoo et d'autres. Et il va vous scanner la liste et vous sortir la liste des services et des applications qu'ont accès à ces comptes, et avec même un niveau quelques alertes. Vous avez, à chaque fois que vous autorisez un service à avoir accès à vos comptes, il peut vous renvoyer un email, comme ça vous êtes sûr de pas avoir raté l'information. Donc c'est un service qui est assez utile. Il y a une application sur iOS, donc qui vous donne accès à tout ça. Et l'application sur Android donne aussi un classement de toutes les applications que vous avez installées sur votre téléphone ou votre tablette Android. Et il liste toutes les autorisations que vous avez demandées, avec un grade vert, orange et rouge selon quelle quantité d'informations et de données les services auxquels les services ont accès. Typiquement, un Facebook et un Twitter vont sortir en rouge parce qu'ils ont besoin de vos informations personnelles, éventuellement de votre email, mais en plus de vos photos, du micro et des choses comme ça. Donc c'est un service qui est très pratique, ça permet de centraliser un petit peu les choses. Par contre, ça veut dire que vous connectez, vous allez sur le site web My Permissions, et que dans ce site web-là, vous devez rentrer vos identifiants, Facebook, Google+, Instagram, etc., Twitter. Même chose dans l'application, où ça veut dire que vous autorisez My Permissions à avoir accès à vos informations dans Facebook, dans Twitter, etc. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est un bon moyen d'avoir tout ça centralisé et facile à trouver. Pour digresser un tout petit peu, l'application donc sur Android vous donne un classement sur les applications. Si vous êtes sous iOS, vous aurez probablement remarqué que quand vous lancez une nouvelle application, qu'elle a besoin d'une nouvelle autorisation, vous avez le choix de dire oui ou non. Si vous avez la chance d'avoir un Android sous Android 6, la dernière version officiellement libérée et installable, vous avez aussi une gestion des permissions individuelles à l'installation. Par contre, si vous avez un Android avec un numéro de version en dessous de 6, il existe une application qui s'appelle APK Permission Remover, qui va vous permettre de supprimer des permissions pour certaines applications. Par contre, voilà, comme les applications ont été développées et prévues pour en avoir besoin, il y a des chances que certaines fonctionnalités ne marchent pas ou que l'application plante, tout simplement. Donc dans ce cas-là, désinstallez l'application, réinstallez-la en autorisant les permissions, si vous voulez vraiment l'utiliser. C'est à tester. APK Permission Remover, c'est un petit peu, voilà, c'est pour les bidouilleurs qui ont envie d'avoir un peu plus de sécurité et de dire pourquoi un jeu aurait besoin d'avoir accès à mon appareil photo. Il y a aucune raison. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé à faire un petit peu le ménage dans tous les services qui ont accès à Twitter, à Facebook et à vos autres comptes. N'hésitez pas à venir partager les résultats de vos ménages, de combien d'applications vous avez supprimées. Également, si vous connaissez d'autres services auxquels j'aurais pu oublier. Donc allez sur les notes de l'émission, sur le podcast moptimise.com, sur Twitter @moptimise.com. Et moi, je vous dis à bientôt.